nostalgique, presque amoureuse. Arrêtons. Proche et la résonance. Intense. Plus intense et énergique. Culminant. Très doux et tranquille, mais très doux. Rêveur, vers énergie de rêve, un de Thank you.